peace and love, c'est pas des lol. Un 3 c'est mes délines, rien que pleut des balles. J'fumais de la frappe, elle m'a mis une claque. J'suis dans la RS4, direction à l'Espagne. Ça va en des plaques, j'vis par la monde et au break. Ça y est, tu me fais le mac parce que t'as fait le bec. J'roule pas des sticks, j'suis pour l'Olympique. J'suis toujours mon éthique devant l'ordi comme un geek. Ça va faire p***. J'suis néo, elle kiss baba, elle a dit qu'on est néo. Tu veux profiter, va te promener. Que tu fais chauffer, j'vais plus t'emmener. J'ai les yeux collés, j't'en prends un chien. J'suis 7 sur 7, j'me mets pas dans le néo. Nous c'est vive l'OM, demande à mon béo. L'étoile sur le maillot, elle peut pas tomber. J'fais la danse de Tourcoing, comme Geeks ou Patrick Jambouin. J'fais la danse de Tourcoing, comme Gibbs ou Patrick Jambouin. Ni c'est l'avenir, I love. Ni c'est l'avenir, I love. Ni c'est l'avenir, I love. Ni c'est l'avenir, I love. Ni Audi RS6, grand slas bénéfice. La mise fait des kisses, j'ai oublié pas du bien. Audi RS6, grand slas bénéfice. La mise fait des kisses. Y'a de la bombe dans le coin, faut que je la cache, il me reste qu'un point. Lui fait que mentir, ouais, il jure sur ta dit. J'ai envie de m'évader, serre-moi le maïti. Mes potes, ils grimpent des murs, s'ils veulent, ils rentrent chez toi, c'est des Yamakasi. J'suis pas là, dans la bouche une kaka là. J'suis en plein de bla bla bla bla bla bla. J'fais du son pour la mal, la. Ouais, c'est qui là, l'omni du ghetto. C'est pour les guetteurs, vendeurs de bédo. Scandent des métaux, scandent des réseaux. C'est pour les mythos, sur les réseaux. Trop fin, ça mouille le maillot. Vipa, mène des os. Parachute, virage nord. Aux armes, t'entends les échos. J'rappe de fou et j'suis tout terrain. J'débarque dans le game comme les cutéreux. L'avenir, c'est l'avenir, I love. Ni, c'est l'avenir, I love. Ni, c'est l'avenir, I love. Ni, c'est l'avenir, I love. Audi RS6, grand slas bénéfice. La mise fait des kisses. J'ai oublié pas du bien. Audi RS6, grand slas bénéfice. La mise fait des kisses. C'est l'avenir, I love. Ni, c'est l'avenir, I love. Ni, c'est l'avenir, I love. Audi RS6.